c'est parti. Allez baby, c'est parti, viens toucher mon corps. Vas-y, suce my dick. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta bouche? À ton avis, et d'après toi? T'étouffes, m'étouffes et je te bouffe la touffe. T'étouffes, m'étouffes et je te bouffe la touffe. T'étouffes le sexe entre tes mains et je te bouffe la touffe. T'étouffes, m'étouffes et je te bouffe la touffe. Je pisse dans ton jardin. Le sexe entre tes mains. Je pisse dans ton jardin. Viens plus près, que je me branle sur tes seins. Et les deux pieds dans l'eau. Je descends le long de ton dos. Mes doigts glissent sur tes lèvres. Et vont chercher ton clito. Je masturbe longuement ta verge. J'expire avec ma langue. Qui frôle longuement ton gland. Oh putain de jouissance. Oh putain. Oh putain de jouissance. Oh putain. Oh, ça fait du bien. Mais pour qui? L'homme ou la